Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, George Wallace, l'opportunisme politique poussé à son paroxysme. In the name of the greatest people, au nom du plus grand peuple qui ait jamais foulé cette terre, je trace la ligne dans le sable, je jette le gant devant les pieds de la tyrannie et je dis ségrégation maintenant, ségrégation demain, ségrégation pour toujours. And I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Ce discours que prononce George Wallace le 14 janvier 1963 à la suite de son élection comme gouverneur de l'Alabama est devenu célèbre et cette fameuse formule qu'il utilise, ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain, ségrégation toujours, résume assez parfaitement l'essence du discours qu'il va tenir pendant des années comme candidat aux élections en Alabama et comme candidat aux différentes courses à la présidence auxquelles il va participer. Politicien populiste aux propos ouvertement racistes, George Wallace va pourtant devenir un ardent défenseur de la cause des Noirs à la toute fin de sa carrière. En fait, le cas de George Wallace représente probablement l'un des exemples de revirement à 180 degrés et l'un des exemples d'opportunisme politique les plus spectaculaires de toute l'histoire des États-Unis. Vous savez, Gabi, pour bien décrire les hommes publics, il s'agit parfois de les citer simplement, et dans le cas de George Wallace, ça peut devenir particulièrement éclairant. C'est ainsi que, parlant des Noirs, Wallace a dit d'eux, ce n'est pas qu'on n'aime pas les Noirs, c'est qu'on les déteste. On peut rappeler également son fameux slogan, « Ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain, ségrégation toujours ». Parlant des étudiants, Wallace a eu ses propos rassurants à leur endroit. « Si un étudiant se couche devant ma voiture, il ne pourra pas le faire une deuxième fois, ma voiture lui passera carrément dessus. » Les opposants à la guerre au Vietnam ont déjà eu aussi de doux propos de M. Wallace, puisqu'à leur intention, il a déjà dit « Vous êtes tous des traîtres et je vous ferai passer par les armes. » Les intellectuels également ont retenu son attention et un jour, il a eu cette phrase délicate à leur intention « Je mettrai mon pied au... » de tous ces intellectuels qui nous regardent du haut de leurs lunettes. Guy Rochette à l'émission Présent en 1972 pour nous décrire le parcours pour le moins singulier de George Wallace. Je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour, Jacques. George Wallace, il a vraiment un parcours politique hors du commun, qui sort de l'ordinaire complètement, Karine Prémont. Comment décrire, comment résumer ce parcours si singulier? Ah ben ça, c'est difficile, mais disons que Wallace est un des rares qui s'est lancé dans 5 courses au poste de gouverneur, dans 4 courses présidentielles. Et en fait, si on veut effectivement résumer, on pourrait dire que la grande tragédie de Wallace, c'est vraiment d'avoir cherché à avoir le pouvoir, mais pour la mauvaise raison. Donc, il va embrasser le ségrégationnisme, le racisme, parce qu'il va très rapidement comprendre, après sa première défaite politique, que c'est le chemin le plus court vers le pouvoir. Donc, vraiment l'opportuniste qui est là dès le départ et qui va conduire à des virages spectaculaires dans son propos, dans son idéologie. On y reviendra tout au fil de l'émission. Il a été là très, très longtemps dans le paysage politique américain. Karine Prémont, quel genre d'empreinte a-t-il laissé au monde politique américain? Mais c'est-à-dire que George Wallace, aujourd'hui, même après plusieurs années, après son décès, c'est toujours une personne qui n'est pas très respectable, mais lui, il est sombré dans l'oubli un peu plus, mais pas sa manière, parce qu'on retrouve des façons de faire avec Donald Trump, par exemple. Son discours non plus n'a pas été complètement oublié, parce que le président Nixon, le président Reagan ont repris certaines de ses façons de faire des discours, et ses idées aussi ont transformé la politique américaine des années 50 aux années 80, donc une empreinte très forte sur la politique américaine. George Wallace naît en 1919 à Clio, en Alabama, Karine Prémont. Parlons un petit peu de ses débuts en politique. Il était là à la Chambre des représentants alors qu'il est dans la mi-vingtaine, Chambre des représentants de l'Alabama, en 46. À quoi ressemblent ses débuts en politique? Mais en fait, au début de sa carrière politique, George Wallace est vraiment considéré comme un progressiste, comme un modéré. Évidemment, c'est un démocrate du Sud avec tout ce que ça comporte, mais il va participer à l'élaboration d'une 50aine de projets de loi qui visent surtout à aider les pauvres. C'est vraiment, là, si on veut, son cheval de bataille, aider les populations les plus démunies. Ça peut inclure également les Afro-Américains. En 48, par exemple, il va être délégué à la Convention démocrate et il va refuser de s'allier à ce qu'on appelle les Dixiecrats et qui boycottent à ce moment-là la Convention. Donc, il va vraiment être un peu à part, là, si on veut, ou à ses débuts politiques, en tout cas, par rapport à ce qu'on retrouve dans le Sud, là, quand on regarde les politiciens de l'époque. Oui, mais vous faites bien. Donc, progressiste au début, mais vous, deux fois, vous avez dit dans le contexte du Sud. C'est important parce qu'il est, il fait de la politique en Alabama et il faut se souvenir qu'à ce moment-là, être politicien dans cet État de l'Alabama, ça oblige forcément à se positionner, entre autres, sur la question raciale. Donc, où est-ce qu'il se situe, justement, Wallace, sur cette question-là au début de sa carrière? Mais en fait, Wallace va soutenir la ségrégation, mais il va vraiment axer un peu plus son discours sur sur la responsabilité, c'est-à-dire qu'il s'affichera pas nécessairement comme un raciste, comme le font plusieurs politiciens de cette époque-là. Il va d'ailleurs être juge de circuit dans les années 50. Il va être élu comme juge de circuit dans les années 50. Alors, quand il va se présenter en politique, il va dire, écoutez, j'ai pas assez de jugement pour juger un homme sans égard à la couleur de sa peau, alors j'en aurai pas assez pour être votre gouverneur. Donc, c'est-à-dire que il est capable, selon lui, de faire abstraction de la couleur de la peau, même si pour lui, la ségrégation, c'est pratiquement un état naturel. Et il n'est pas le seul, évidemment, à cette époque-là, à le penser. Donc, un ségrégationniste, mais dans le contexte de l'Alabama, vraiment un modéré sur cette question-là. On peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. On peut dire ça comme ça. Bon. Cela dit, il y aura un point tournant pour lui et qui va faire qu'il y aura une première, un premier virage important dans son discours et dans son idéologie. Sa défaite, la défaite de Wallace à l'élection de 58 en Alabama. De quelle manière cette défaite-là est importante pour la suite des choses, Karine Prémont? Mais d'abord, il faut savoir que c'est le rêve d'enfance de George Wallace d'être élu gouverneur de l'Alabama. Alors, il va perdre l'élection de 1958 contre John Patterson, qui est très ségrégationniste, donc en particulier par rapport à Wallace. Et ça va complètement dévaster Wallace, cette défaite-là, et ça va le transformer profondément. Et c'est là, justement, où l'opportunisme politique va apparaître, parce que c'est là qu'il va comprendre que la ségrégation raciale, c'est l'enjeu le plus important pour la population de l'Alabama. La population blanche de l'Alabama se sent assiégée, se sent aussi ridicule, méprisé par les autres Américains, en particulier ceux du Nord. Alors, il va décider d'exploiter les divisions raciales, la peur de la déségrégation, et va se dire, ben voici mon programme pour la prochaine fois. Je vais endosser, embrasser complètement la ségrégation raciale. Et ça va marcher parce qu'il va devenir gouverneur de l'État à l'élection de 1962 avec ce discours très dur sur la question raciale. Et puis, il va à ce moment-là vraiment surfer là-dessus pendant des années. En juin 63, George Wallace va de fait se faire connaître dans tout le pays en bloquant physiquement l'accès à l'Université de l'Alabama à deux étudiants afro-américains à qui on avait donné le droit d'étudier à l'Université de l'Alabama. On écoute un extrait qui est devenu célèbre, un extrait du reportage présenté à l'époque à la télé américaine à ce sujet. Vous allez y entendre d'abord l'animateur Chet Huntley, puis le secrétaire américain à la justice Nicolas Katzenbach et le gouverneur de l'Alabama, George Wallace. It was hot in Tuscaloosa this morning. Very hot. Il faisait très chaud à Tuscaloosa ce matin, avec près de 38 degrés Celsius au thermomètre, en plus de l'humidité, ce qui n'a sûrement pas aidé à résorber l'atmosphère tendue qui régnait sur le campus de l'Université de l'Alabama. En particulier lorsque Nicolas Katzenbach et deux officiers fédéraux ont quitté leur voiture pour s'approcher du gouverneur Wallace qui bloquait la porte d'entrée de l'établissement. Les deux étudiants noirs, Vivian Malone et Jimmy A. Hood, sont restés dans la voiture. Il était environ midi 47. The two Negro students, Vivian Malone and Jimmy A. Hood, stayed in the car. The time was about 12:47 p.m. Eastern Daylight Time. Just a minute. Just a minute. I am the Deputy Attorney General of the United States. I am here to, accompanied by the United States Attorney for the Northern District of Alabama. Au nom du procureur général des États-Unis, je suis ici en compagnie du procureur fédéral du district nord de l'Alabama et des officiers de ce district. Voici une proclamation signée par le président des États-Unis qui vous demande de cesser toute entrave à la justice. Cette proclamation, Monsieur le gouverneur, a été signée par le président il y a moins d'une heure. Proclamation, governor, was signed by the president within the last hour. As governor and chief magistrate of the state of Alabama, I deem it to be my solemn obligation. En tant que gouverneur de l'État de l'Alabama, il est de mon devoir de me présenter devant vous pour défendre les droits et la souveraineté de cet État et de son peuple. Aujourd'hui, la venue importune, indésirable et injustifiée d'officiers fédéraux sur le campus de l'Université d'Alabama fait figure d'intrusion et illustre bien le combat que nous menons contre le gouvernement fédéral qui n'hésite pas à opprimer les droits et les privilèges des citoyens des États du Sud. Of the oppression of the rights, privileges and sovereignty of this state by officers of the federal government. Alors, que se passe-t-il donc par cette chaude et humide journée de juin 63, Karine Prémont? Racontez-nous les détails de cet épisode qui vraiment est devenu célèbre. Mais en fait, il faut savoir que lorsque George Wallace a été finalement élu gouverneur de l'Alabama en 62, il s'est rapidement radicalisé et tous les événements vont servir d'une certaine façon à construire sa notoriété publique. Alors, le 11 juin 63, Wallace se positionne physiquement devant la porte de l'université en disant « Je vais bloquer moi-même l'accès à ces étudiants » et il refuse de céder, bien évidemment. Et ce qui va le faire céder, c'est tout simplement Kennedy qui va nationaliser temporairement la garde nationale pour forcer justement l'accompagnement des étudiants à l'université. Mais en fait, Wallace savait bien que la bataille légale ne pouvait pas être gagnée. Il n'avait pas tellement d'illusions là-dessus, mais ce qu'il voulait, c'était profiter du fait qu'il y avait 400 journalistes de partout aux États-Unis qui étaient sur place, qui regardaient ce qui se passait. Et ce qu'il voulait, c'était remporter la bataille de l'opinion publique. Évidemment, il ne parlera pas de ségrégation à proprement parler pour défendre sa position. Il sait que, bon, les Américains du Nord n'aiment pas trop ça. Alors, il va surtout se présenter comme le défenseur des intérêts des États face à l'oppression du fédéral. Et c'est là qu'il va devenir une figure nationale. C'est là que l'argent, les appuis vont commencer à entrer. Et c'est là qu'il va commencer à se dire, peut-être que je pourrais devenir président. Et il sera donc candidat dans la course à l'élection présidentielle de 64. Quel genre de campagne va-t-il mener? C'est sa première, il y en aura d'autres. Oui, c'est la première d'une longue série, on peut dire ça. En 1964, en fait, il s'inscrit à quelques primaires. Encore une fois, là, il sait bien qu'il n'a pas nécessairement des chances d'être élu en 64, mais il veut commencer à tâter le terrain, si on veut. Mais il va d'abord épurer un peu son discours, parce qu'il le sait que le racisme, là, c'est pas nécessairement une carte gagnante au niveau national, mais il va axer son discours sur le droit des États, sur la défense des libertés individuelles, sur la lutte contre ce qu'on appelle le big government, l'intervention gouvernementale. Bon, en même temps, on sait que c'est un langage codé pour parler de racisme, là, d'une certaine façon, mais néanmoins, il va pas utiliser ces mots-là explicitement liés au racisme ou à la ségrégation raciale. Il va finir troisième au Wisconsin, en Indiana, au Maryland, mais c'est ce que ça lui a permis d'accomplir, c'est surtout d'obtenir une visibilité nationale qui va justement lui permettre de le lancer encore une fois dans d'autres courses présidentielles. Il est toujours gouverneur de l'Alabama quand la course est terminée, donc il va profiter encore une fois de cette position pour renforcer son statut. Mais en 1966, c'est pas George Wallace qui remporte l'élection au poste de gouverneur d'Alabama, c'est plutôt sa femme, Lurleen Wallace. Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit sa femme qui soit élue gouverneur plutôt que lui? Bien, en fait, à ce moment-là, la loi de l'Alabama interdit au gouverneur de faire plus de deux mandats consécutifs. On peut faire deux mandats consécutifs, passer notre tour et revenir ensuite, mais on ne peut pas faire plus que deux mandats consécutifs. Alors, il va convaincre sa femme, Lurleen, de se présenter au poste de gouverneur de l'Alabama. Il faut savoir cependant que Lurleen, à ce moment-là, se remet de traitement contre le cancer de l'intestin. Elle annonce sa candidature. Elle va remporter l'élection avec une avance confortable, 63% des voix. Il faut dire que son adversaire est encore plus conservateur qu'elle, est encore plus raciste qu'elle. Et étonnamment, elle va avoir le soutien des Afro-Américains, parce qu'il faut dire que Wallace, quand il était gouverneur, il a quand même, encore une fois, en lien avec son intention d'aider les plus défavorisés, a quand même construit des écoles, augmenté le salaire des professeurs, par exemple, et offert des manuels scolaires gratuitement. Donc, les Afro-Américains ont quand même vu leurs conditions s'améliorer sous Wallace. Mais évidemment, dans les faits, même si c'est Lurleen qui va devenir gouverneur, c'est George Wallace qui aura le pouvoir en réalité. Bon, en 68, George Wallace participe à nouveau à la course à l'élection présidentielle, cette fois comme chef du American Independent Party. Pourquoi ce choix-là de Wallace de ne pas participer à la primaire démocrate dans cette élection de 68? Son calcul politique est très simple. Encore une fois, il sait très bien qu'il ne peut pas gagner, mais son objectif, c'est vraiment de remporter suffisamment de votes au collège électoral pour empêcher l'un des deux candidats, Nixon, le républicain, Humphrey, le démocrate, de remporter la majorité nécessaire de 270 votes. Alors, à ce moment-là, il se dit « je vais pouvoir, entre guillemets, donner la présidence à la personne qui va me promettre de défendre les intérêts que j'ai, notamment, justement, d'empêcher la déségrégation du Sud. » Donc, pour lui, c'est une espèce de pari, de dire « je vais essayer de faire la différence, en fait, entre les deux candidats. » Il est forcé à endosser mes enjeux, mes objectifs. En 70, il est à nouveau réélu gouverneur de l'Alabama, George Wallace, mais il a déjà, au cours de cette campagne électorale en Alabama, il a déjà en tête l'élection présidentielle de 72, où il prévoit affronter Richard Nixon, comme en témoigne d'ailleurs cet extrait sonore qui remonte justement à cette campagne électorale de l'Alabama en mai 70. When I get to be your governor, not before I'm inaugurated, but the day after I'm elected, I'm going to tell Mr. Nixon. Quand vous m'aurez choisi comme gouverneur, dès que je serai élu, je dirai à M. Nixon, vous avez promis de nous rendre nos écoles. Si vous ne nous rendez pas nos enfants et nos écoles, comme vous nous l'aviez promis en 1968 lorsque nous vous avons élu, nous pourrions faire en sorte que vous soyez défait en 1972. We might just see that you are defeated in the year 1972 if you don't do that. Governor, what are you going to do if you lose? Gouverneur, qu'allez-vous faire si vous perdez? Well, that's a negative question and I'm not going to lose, but if I lose. Eh bien, votre question comporte un biais négatif parce que je ne vais pas perdre. Mais si je perds, M. Nixon va devoir se tourner vers la gauche et oublier l'Alabama, car il sait que l'Alabama, un État du Sud, ne votera pas pour un candidat national-démocrate en 1972. Ma défaite aurait pour conséquence la perte du poids politique que nous avons sur cette administration. Bien sûr, il peut faire ce qu'il veut, mais dans ce cas, il ferait mieux d'oublier sa soi-disant stratégie sudiste. À ce titre, ce serait donc catastrophique si je perdais. Et comme les citoyens de l'Alabama n'ont pas envie de faire les frais de cette élection, ils vont voter pour George Wallace. And that's the reason the people of Alabama are not going to lose the race for themselves. They're going to vote for George Wallace. La relation entre George Wallace et Richard Nixon vaut le détour, Karine Prémont. Comment décrire cette relation, on peut le dire, assez tordue entre les deux hommes, qui, on peut le dire aussi, d'une certaine façon, se ressemblent? Oui, c'est-à-dire que tous les deux sont prêts à tout pour gagner, profitent de chaque opportunité qui leur est offerte. Et c'est exactement ce que Nixon va faire, parce que Nixon va soutenir l'opposant à Wallace en 1972 au poste de gouverneur, parce qu'il souhaite, ce qu'il souhaite, Nixon, c'est rayer Wallace de la carte politique, parce que c'est une menace à sa stratégie sudiste. On a entendu Wallace en parler. Nixon va financer la campagne de Brewer, l'opposant de Wallace. Nixon va quand même gagner l'élection au poste de gouverneur, mais Nixon va décider de lancer des enquêtes sur lui, sur son entourage, sur les finances de la campagne, par le biais du département de la justice et du service des impôts. Donc, ultimement, le directeur de campagne de Wallace sera condamné, ce sera le seul qui le sera, mais ça démontre à quel point Nixon a peur de Wallace, comment Wallace peut justement jouer les troubles faits, parce que c'est ce qui s'est passé dans l'élection de 1968, c'est-à-dire que évidemment, Wallace n'a pas gagné, mais il a quand même réussi à aller chercher 13% du vote, surtout au Sud. Alors, Nixon sait très bien qu'il doit contrer Wallace parce que ça pourrait être un opposant sérieux lors de l'élection de 72. Le 15 mai 1972, justement, Wallace est à nouveau candidat dans la course à l'élection présidentielle, mais sa campagne est abruptement interrompue ce jour-là. Le gouverneur de l'Alabama, qui venait de s'adresser à un millier de personnes réunies au centre d'achat de Laurel au Maryland, en banlieue de Washington, a été atteint de deux balles de revolver tirées à bout portant par un homme qui l'avait attiré vers lui en criant « Hey, George, viens me serrer la main ». George Wallace s'est écroulé au pied de la tribune, blessé au bras et à l'estomac. Un total de 5 coups de feu ont été tirés. Une femme et un policier ont également été blessés. La vie du gouverneur ne serait pas en danger. Un homme de race blanche, âgé d'environ 30 ans, a été arrêté. George Wallace faisait campagne en vue des élections de demain au Maryland, élections que, d'après les récents sondages d'opinion, il devrait remporter. Il est d'autre part le grand favori des primaires du Michigan, également prévues pour demain mardi. Le 15 mai 72, George Wallace est donc la cible d'une tentative d'assassinat à Karine Prémont. Cet événement-là, évidemment, marque un tournant important dans la campagne de 72. Oui, parce que George Wallace quand même faisait bien jusqu'à maintenant, mais cet événement-là va d'abord paralyser Wallace jusqu'à la fin de ses jours à partir de la taille. Il faut dire que personne n'était vraiment surpris cependant que quelqu'un, pardon, tire sur lui en raison de la nature des propos qu'il tient. Mais effectivement, ça va mettre fin à la course pour lui. Il va aller à la convention démocrate à Miami parce qu'on souhaite que ses partisans se rallient à McGovern, qui est le candidat pressenti. Wallace y va à cette convention parce qu'il souhaite se retrouver sur le ticket présidentiel. Il souhaite peut-être se voir offrir le poste de vice-président, mais le malaise que sa situation crée, on n'est pas tellement habitué de voir des gens en fauteuil roulant. Il faut le soulever, il faut le déplacer. Donc, ça crée un certain malaise. Son discours est tout à fait décousu. Alors, ça va mettre un terme, si on veut, aux ambitions de George Wallace. Il sera réélu au poste de gouverneur en 1974. Les lois ont changé. Il peut faire plus que deux mandats maintenant. Mais c'est une période sombre qui commence pour Wallace d'accepter cette situation-là, d'accepter la fin de ses ambitions. Ouais. Il va à nouveau, cela dit, tenter sa chance dans une élection présidentielle pour une quatrième et dernière fois en 76. Oui. À quoi ça va ressembler cette campagne de 76 pour lui? Mais en fait, là, il se dit que le terreau est plus fertile pour son discours parce que les gens sont complètement désenchantés par rapport aux institutions. On le sait, c'est le Watergate qui va pousser Nixon vers la sortie en 1974. Sauf que cette campagne va être très difficile. Son handicap, encore une fois, lui nuit. Le discours raciste qu'il tient habituellement et le discours sur la loi et l'ordre ne sont plus tellement à la mode à ce moment-là. Et très rapidement, là, il va être écarté de la course au profit d'un autre gouverneur démocrate du Sud, Jimmy Carter, qui deviendra, lui, président des États-Unis en 1976. Bon, à la suite de cette déconvenue à l'élection présidentielle de 1976, Wallace regagne ses terres en Alabama. Mm-hmm. Et c'est là, on en parlait au tout début de l'émission, mais mm-hmm. qu'on va assister à nouveau à un spectaculaire retour de situation, une spectaculaire conversion, l'une des plus spectaculaires de l'histoire de la politique mm-hmm. américaine. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là? Mais en fait, d'abord, il va retrouver la foi, ce qui est souvent le déclencheur d'une transformation de cette nature. Il va réfléchir sur sa vie, sur son handicap, sur ses ambitions. Et s'il n'admettra jamais la haine de son discours, il l'a toujours dit, je ne déteste personne, pas même la personne qui m'a tiré dessus. Il va quand même accepter la responsabilité de ses actes. Il va demander pardon à ses anciens adversaires, à ses ennemis, comme notamment Jesse Jackson, John Lewis, les grands militants pour les droits civiques, qui vont lui pardonner, effectivement. Et en 82, il va se représenter à nouveau au poste de gouverneur de l'Alabama. Il va être réélu avec un discours sur la réconciliation. Il va nommer un nombre record de Noirs au sein de son administration. Et en fait, ses amis vont dire, c'est pas tellement que Wallace a changé. Il est plutôt redevenu ce qu'il était avant. Il est plutôt maintenant le vrai Wallace, celle qu'ils ont connu quand il était plus jeune. Sa santé va se dégrader rapidement toutefois. En 86, il va annoncer qu'il ne sollicitera pas un nouveau mandat. Il faut dire qu'il est sourd, presque aveugle, a des souffrances physiques, il y a des éclats de balles qui sont restés dans son corps après l'attentat. Il est atteint de Parkinson. Il va mourir en septembre 1998 à 79 ans. Et que dire, en terminant, je le disais un peu plus tôt, il a été présent dans le paysage politique américain très, très longtemps, George Wallace. Comment résumer, au fond, l'héritage qu'il laisse à la politique américaine, Karine Brémond? Bien, comme je le disais un peu au début, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui ce que serait la politique américaine sans George Wallace, parce que les thèmes conservateurs qu'il a défendus ont été repris, édulcorés sans doute par Nixon, par Reagan. Les Reagan's Democrats, là, notamment, c'était les partisans de Wallace. Il a permis à d'autres politiciens du Sud d'avoir une chance sur la scène nationale. C'était pas du tout évident avant George Wallace. On pense à Carter, mais aussi à Bill Clinton dans les années 90. Donc, les thèmes d'opportunisme, de racisme, la critique du fameux Deep State, le fameux marécage de Trump, là, de l'establishment de Washington, le pouvoir du gouvernement central. Donc, tout ça sont des thèmes que George Wallace aura amené sur la scène nationale et que d'autres politiciens après lui auront repris. Et ces appels à la violence, évidemment, là, ont été aussi à quelques occasions utilisés, instrumentalisés par d'autres politiciens après lui. Karine Brémond, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Et si Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.